Vous écoutez? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1 au cadran et à ckrl.qc.ca sur la toile. Bon, La Croche-Oreille, c'est une émission qui s'intéresse aux arts sonores, aux musiques inclassables et surtout aux artistes et musiciens, musiciennes qui en font leur passion, leur métier. Gaëtan Gosselin au microphone, un plaisir de vous retrouver. Je me souviens d'un commentaire de l'artiste et metteur en scène Christian Lapointe à la sortie des spectateurs qui venaient d'assister à une performance artistique. Un commentaire qui se résume à peu près comme suit. Ce qu'on a vu ou bien ce qu'on vient de voir, eh bien, c'est terminé. C'est du passé. Lapointe a toujours aimé rappeler le caractère fugace, éphémère des arts vivants, l'idée que ça se passe dans l'instant présent, ici, maintenant, et que tout le reste relève ensuite de la trace, de l'archive, une photographie, une catégorie de la mémoire. Le musicien créateur sonore Pierre-Yves Martel a réalisé en 2024 un ambitieux projet sonore autour de cet aspect fugace et éphémère de l'action artistique et évidemment de l'action musicale aussi, en réalisant sur un court laps de temps une dizaine de créations d'une durée de 60 minutes à partir de ce qui est resté derrière ses activités de créateur. Il a intitulé ça « Éphéméra », un album en 10 parties d'une heure chacune. Dans un texte d'introduction à ce projet, J.F. Martel, le frère de Pierre-Yves, nous met en quelque sorte sur des pistes en ce qui concerne les matériaux éphémères dont il est question. Bon, des idées saisies sur le vif, des fragments d'archives, des éléments empruntés à des projets inachevés, des bribes de souvenirs qui ne s'intègrent à aucun récit cohérent du passé, dit-il, comme des éphémères figés dans l'ambre ou encore des ovnis immortalisé par des appareils photo jetables. Je referme les guillemets. Dans cet album, le caractère éphémère des choses n'est pas tant effacé ou transcendé, mais plutôt mis en scène, une mise en scène sonore visant à nous alerter sur la nature éphémère de nos conditions humaines. C'est ce que raconte Pierre-Yves. Alors, je vous présente ce soir un extrait de ce projet. C'est une trame qui fait 60 minutes, dont on va écouter un large extrait. Et en cette soirée de congé pascal, j'ai choisi de vous faire entendre une création intitulée « Minuit dans la chambre rose ». C'est une création qui reflète fort bien l'esprit du projet Éphéméra. En guise de présentation, Pierre-Yves Martel raconte qu'il est tombé par hasard sur « Nova Chord Solo », un album de Fred Fiebel produit dans les années 40. C'est un enregistrement solo où Fiebel interprète des classiques du répertoire américain sur le Nova Chord, un instrument produit par Hammond de 1939 à 1942 et qui est considéré comme le premier synthétiseur polyphonique commercial. Bon, à la réécoute du Nova Chord, raconte Martel, j'ai eu l'idée d'inviter Philippe Lauzier, un complice de longue date, à me rejoindre pour improviser des interludes aux 8 morceaux de l'album Nova Chord Solo. Alors, c'est ainsi qu'a émergé cette trame de 60 minutes intitulée « Minuit dans la chambre rose ». On y retrouve Philippe Lauzier à la clarinette basse et Pierre-Yves Martel au synthé. Eh bien, bonne écoute. Thank you. Ça complète la première demi. On poursuit l'écoute de la création sonore intitulée « Minuit dans la chambre rose » de Pierre-Yves Martel. Alors, à tout de suite. Vous écoutez La Croche-Oreille. On est de retour, c'est la Croche-Oreille jusqu'à 22h sur CKRL. Gaëtan Gosselin au microphone. Je vous présente ce soir une création sonore et musicale tirée d'un album de Pierre-Yves Martel. Ça s'intitule « Ephemera, a 10-hour album in 10 parts », un album qui regroupe une dizaine de créations de 60 minutes, des créations inspirées par le caractère éphémère de la vie en général et bien sûr de l'art et de la création parmi tout ça. Dans le texte de présentation de ce projet, l'essayiste J.F. Martel souligne entre autres le caractère fugace de nos entreprises, évoquant cette prise de conscience, cette révélation qui aurait amené saint Thomas d'Aquin à interrompre sans autre considération la rédaction de sa fameuse somme théologique, confiant à son ami Réginald de Piperno, là on est au 13e siècle, que tout ce qu'il avait écrit lui paraissait bien futile, tout autant semble-t-il que tout le reste. Bon, là-dessus, on poursuit l'écoute de « Minuit dans la chambre rose ». C'est une création inspirée par un des ancêtres du synthétiseur, le Novacord, et c'est tiré de ce magnifique album nommé « Ephemera » de Pierre-Yves Martel. Il est accompagné pour cette trame sonore du clarinettiste Philippe Lauzier. Alors, on écoute ça. Thank you.